Radio FR consacre ce mercredi 6 mai à la 7e journée intercantonale de la formation professionnelle. Comme chaque année, Radio FR participe à cet élan en faveur de la création de places d'apprentissage. Le but est d'amener les entreprises à annoncer leurs nouvelles possibilités de formation professionnelle. Pour débuter cette journée, nous avons donné la parole au directeur de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg. Nous avons demandé à Beat von Lanten s'il savait déjà à 16 ans quelle profession il désirait exercer. Certainement pas à 16 ans, je ne savais pas encore. J'ai voulu en fait devenir caméraman à la télévision suisse alémanique, mais le conseiller en orientation qui est devenu après préfet de la Saint-Gin, Marius Tsosso, m'avait dit non, tu dois continuer au collège Saint-Michel. Alors c'était un peu la base pour que je suis devenu conseiller d'État. Vous concevez la difficulté pour un jeune à cet âge-là de se dire on doit choisir un métier ou une voie universitaire, mais on doit choisir déjà le profil de ce qu'on sera plus tard. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui aujourd'hui ne savent pas encore ce qu'ils vont entreprendre ? Je comprends très bien que c'est difficile pour ces jeunes à prendre une décision déjà à cet âge-là, mais je leur dis on ne prend pas la décision pour toute la vie. Il y a vraiment une flexibilité, il y a quand même beaucoup de possibilités de changer la profession et l'important c'est d'avoir une formation de base très forte, très claire, très bien développée et sur cette base on pourra après aussi continuer à avoir d'autres formations et de pouvoir trouver finalement la formation ou la profession qui convient le plus. Votre ancien orienteur vous avait orienté vers les études. C'était quelque chose d'un petit peu habituel à l'époque quand on avait des élèves qui se débrouillaient bien. On les envoyait automatiquement vers les études. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a vraiment une formation duale qui permet une ouverture vers toutes les hautes écoles également. À ce niveau-là, c'est un grand, grand pas qui a été fait. Je pense que c'est un grand pas qui a été fait et je trouve que la mentalité, notamment aussi des parents, est en train de changer actuellement. On doit pouvoir voir que cette formation de base, cette formation duale est quand même un atout incroyable et que sur cette base, les jeunes auront la possibilité aussi de faire des études plus tard et de pouvoir faire la carrière dans leur profession. Et nous soulignons quand même aussi toujours que notamment cette formation duale est aussi importante pour avoir un taux de chômage de jeunes très bas. Si on voit dans les cantons où il y a vraiment beaucoup de formations duales, il y a aussi le taux de chômage qui est le plus bas en fait. Et vous êtes précisément directeur de l'économie et de l'emploi. Les besoins de formation doivent répondre aux besoins de l'économie, mais j'ai envie de dire jusqu'où ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de diktat de l'économie par rapport à la formation professionnelle. Bien au contraire, il y a un partenariat très bien développé depuis des années entre l'économie et la formation professionnelle. Et d'ailleurs, je suis assez fier qu'à Fribourg, ce lien est particulièrement bien développé parce que depuis des années, la formation professionnelle est dans la direction de l'économie et de l'emploi qui peut aussi faire en sorte que ces liens soient mieux développés encore entre la formation professionnelle et l'économie. Et de ce côté-là, je suis très content qu'il y ait ce lien et il n'y a pas vraiment une ingérence inappropriée de l'économie dans la définition de l'offre. Beat von Lanten, directeur de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg, qui répondait à Philippe Huvillère dans le cadre de cette 7e journée intercantonale de la formation professionnelle. Et si vous êtes à la tête d'une entreprise et que vous souhaitez créer une place d'apprentissage, n'hésitez pas à l'annoncer. Il faut le faire par téléphone au 026 305 25 71. Et puis, vous trouvez bien sûr toutes les informations utiles sur notre indispensable site internet www.radiofr.ch. Et vous, Jérôme Favre, que vouliez-vous faire quand vous étiez enfant ? Des tas de choses. Je me serais bien vu. Alors, ça a bien changé, hein. Mais prêtre ou enseignant ? D'accord. Ou journaliste sportif ? Voyez, ah, pas aller trop loin. Quand même. Et vous ? Chanteuse ou juge d'instruction ? Juge d'instruction ? Ça, c'est des enfants qui regardent trop la télé. Ça. C'est ça, moi, ça, je voulais absolument avoir mon petit marteau pour pouvoir taper sur mon bureau, quoi. Ah, c'est ça. Juge d'instruction. Tu nous faisais des petites crises de marteau. Affaire classée. Ouais, ouais, c'était ça. Si c'est ça, on va vous trouver un marteau. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai maintenant ma petite collection de marteaux, vous voyez. Puis vous avez un micro, déjà. C'est pas mal, hein. C'est bien. On est proche du but. Et vous pouvez chanter si vous voulez. Non, je vais éviter, il pleut déjà assez. Rio ? Moi, j'étais déjà moi-même un peu marteau, donc je pense que le métier de testeur de matelas, ça m'aurait convenu. Mais c'est vrai, comme disait Jérôme Favre, au lieu de ça, tu te lèves à 5h du mat. Si jeune et déjà si lucide. Eh oui, merci Jérôme de nous rappeler quelle est notre vraie vie. Un plaisir. Et vous, quel était votre rêve d'enfant en termes professionnels? Dites-le nous dans le cadre de cette journée justement de la formation. C'est ça Jérôme? Journée intercantonale de la formation professionnelle, c'est la 7e du genre. Quel était votre rêve d'enfant? Dites-le nous sur Facebook, on en reparlera tout à l'heure.